sur la symétrie. Le froid, tout ça, ça suffit. Plein de pâtes, ce que ça m'est. Jusqu'ici, je suis quadrupède. Reste à faire la symétrie. Le froid, tout ça, ça suffit. Plein de pâtes, ce que ça m'est. Jusqu'ici, je suis quadrupède. Depuis le début de la matinée, je voudrais être une araignée. Avec comme bien entendu, 8 grosses patates velues, une pour faire la guitare, une deuxième pour les beaux-arts, la suivante armée d'une plume, la quatrième est, faut bien que je fume, reste à faire la symétrie, deux fois tout ça, ça suffit, plein de pâtes, ce que ça met, jusqu'ici, je suis quadrupède. Reste à faire la symétrie. Deux fois tout ça, ça suffit. Plein de pâtes, est-ce que ça m'est. Jusqu'ici, je suis quadrupède. C'est un de la poésie. Tant pis pour la philosophie. J'aime bien aussi la mandoline. Faut que je demande à Steve McQueen. Non, ça va pas, ça. Je ferais bien de la poésie, tant pis pour la philosophie. Y'a aussi la mandoline. Faut que je demande à Steve McQueen. Une patate, ça n'a pas de main. Une patate, ça n'a pas de main. Paraît même que je donne faim. Ferait mieux de tomber tout près. Je suis même pas quadrupède. Une patate, ça n'a pas de main. Paraît même que je donne faim. Je ferais mieux tomber près. Je suis même pas quadrupède. Reste à faire la symétrie. Deux fois tout ça, ça suffit. Plein de pâtes, est-ce que ça m'aide? Jusqu'ici, je suis quadrupède. Reste à faire la symétrie. Deux fois tout ça, ça suffit. Plein de pâtes, est-ce que ça m'aide? Jusqu'ici, je suis quadrupède. Je ferai bien de la poésie. Tant pis pour la philosophie. Y'a aussi la mandoline. Faut que je demande à Steve McQueen. Une patate, ça n'a pas de main. Pourrait même que je donne faim. Je ferais mieux tomber. Je suis même pas quadrupède. Reste à faire la symétrie. Deux fois tout ça, ça suffit. Plein de pâtes, est-ce que ça m'aide? Jusqu'ici, je suis quadrupède. Reste à faire la symétrie. Deux fois tout ça, ça suffit. Plein de pâtes, est-ce que ça m'aide? Jusqu'ici, je suis quadrupède.